FrenchPod.com. Salut ma biche, ça va? Tu as un truc de prévu cet après-midi? Je vais faire des UV, ça te dit de venir avec moi? Je sais pas trop, j'ai entendu dire que c'était très mauvais pour la santé. Mais non, pas si tu en fais avec modération et que tu ne restes pas trop longtemps. Je me tâte. C'est vrai que l'été arrive et que j'aimerais bien bronzer un peu. Allez, le problème est réglé. La première séance est gratuite et c'est une fois, tu verras bien après.